Allez, ce soir, on parle du Swing Run. On est en plein explicatif avec Eric Levasseur et Manon qui va peut-être nous expliquer un petit peu l'historique de ce sport. Alors oui, déjà merci, bonjour à tous et à toutes. Donc le Swing Run en France, c'est tout nouveau, c'est tout récent, ça se propage depuis un ou deux ans, petit à petit. Mais donc c'est né en Suède en 2002. Ça fait un petit moment maintenant, mais c'est vrai que ce n'était pas du tout connu. C'est né d'une soirée un peu trop arrosée entre quelques amis, dont deux frères. Et ils se sont lancés un défi, ils étaient au restaurant et sur une serviette de papier, il y avait un archipel d'îles au niveau de Ute en Suède. Et ils se sont lancés le défi de rejoindre les extrémités de l'archipel par leurs propres moyens, que ce soit en nageant, en courant, dans l'eau. Et c'est parti de là, ils ont réussi tant bien que mal. Et petit à petit, d'année en année, ils ont réussi à créer une épreuve. Avec l'aide de, aujourd'hui c'est Michael Lemel et son associé, j'ai oublié son nom. Mais voilà, et aujourd'hui c'était une épreuve mondialement reconnue avec des championnats du monde en Suède. Voilà, Didier, peut-être. Ce qui me plaît dans cette histoire un petit peu, ça n'a rien à voir. Mais ces gens nordiques ont toujours des idées fabuleuses à travers, on va dire, une soirée bien arrosée, on invente une nouvelle discipline sportive. Lors d'un match de foot, on invente le clapping dans des tribunes. C'est vraiment fabuleux. Bah, je dirais que les Scandinaves vont, on parlera un peu des Vikings, bon, peut-être brûlés, moi je suis allé dans des piles pareil, mais il faut avouer qu'aussi ce rapport entre nager, courir, maintenant prendre l'envergure, et là tous les deux au niveau du team, puisqu'ils ont un team propre à eux où ils sont mixtes, ils sont partis quand même faire une manche de Coupe du Monde en Croatie, et j'attends quelques explications puisque bon, c'est vrai que ça vaut le coup quand même. On va écouter Eric Levasseur qui va nous en dire beaucoup plus parce que ce sport nature me plaît. Oui, oui. Voilà. Si on peut l'interpréter, comment ça, hein? Bien sûr, oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'à la base, l'origine en France, c'est quand même la vidéo de Canal+ Intérieur Sport qui s'appelle les exilés de l'Otileux. En fait, c'est justement cette finale de championnat du monde qui se déroule en Suède. Et donc, il y avait une équipe de Canal+ qui était là pour justement filmer un petit peu l'intérieur de cette épreuve, voir un peu. Alors, l'histoire, c'est une aventure humaine parce qu'on travaille en binôme. Donc voilà, une entraide. Voilà. Donc moi, c'est ce qui nous a apparu vraiment formidable. Il y a la nature. Il y a la natation, c'est vrai que nous, on s'éclate bien en nage libre. Et puis, la course à pied, mais sans le chrono. Quelque part, c'est la nature, donc on fait avec le dénivelé. Souvent, enfin, on fait en fonction des courses, il y a du dénivelé ou pas. Voilà. On s'adapte un petit peu les distances. On a des distances très abordables et d'autres très compliquées, quoi. Ça peut être petite, grande distance. Ouais, c'est ça que je veux dire, quoi. Parce c'est ça. On est toujours à la recherche un petit peu de des personnes qui veulent s'initier, mais ils se disent qu'il faut faire, je sais pas moi, 2 km en natation et 50 km à pied, il n'y aura pas grand monde, quoi. Non, mais voilà, quoi. Je veux dire, voilà, ça. C'est ça. Alors, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'on transporte notre maison avec nous. C'est-à-dire notre combinaison, nos chaussures, on a tout sur nous. Il n'y a pas de point d'attache, donc on va d'un point à un autre avec tout le matériel. C'est vraiment du sport d'aventure. Voilà. C'est ça. Mais souvent dans des superbes milieux. Ah, j'imagine. Voilà. En fait, en 2015, donc on a fait une reconnaissance d'un parcours à Châteauneuf-du-Pape qui s'appelle le coup de pied de la mule. Et puis on avait vu cette vidéo. Tous les triathlètes, on était là. Oh, c'est super. Voilà. On s'est dit, tiens, allez. Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve dans le coin? On a échangé là-dessus. C'est constitué des équipes et nous sommes allés à la Côte Vermeille, Argelès-sur-Mer. Voilà. C'était la première épreuve un petit peu de tous les membres du club d'Avignon. C'est quand, Argelès-sur-Mer, parce que j'ai la tâche. Alors, c'était le 24 juin 2016. 25 juin 2016. Très précisément, voilà. Oui, c'est d'accord, ça. Le 25 juin 2016. Voilà. Alors, bien sûr, pas. Il y avait eu à la mer. Voilà. Et vous avez fait un parcours dans la mer. Il était assez. C'était un. Enfin, c'était on avait 45 km au total, ouais. Donc dont je pense 7-8 en natte. Oui, 7-8 en natation. Natation et le reste en courant. Ça. Avec un bon dénivelé, ouais. Puisqu'on avait une portion trail de 17 km avec 2000 mètres de dénivelé, je crois. Donc, une bonne montée qui casse bien les jambes. Ouais. On était contents de retrouver l'eau après. Mais vraiment, des organisateurs formidables, une ambiance formidable, une entraide, en fait. C'est vrai que c'est chouette. Alors, c'est vrai que c'est tout même début, entre, donc c'est entre chouette. Entre les concurrents, ouais. Il y a beaucoup d'entraide entre chaque équipier. Et alors, aujourd'hui, on a un point de chute où c'est qu'on peut s'entraîner, où c'est qu'on peut retrouver... Je vous laisse nous décrire tout ça. Alors, pour s'entraîner, nous, ici, on se fait des petites séances d'entraînement. Ça peut être au lac de Monteux, à Piolenc. Mais ce que l'on aime par-dessus tout, c'est la nature et le partage avec les autres swimrunners. Donc, il y a à Marseille, il y a un bon groupe, notamment animé par Hakuna, qui tient donc le groupe Swimrun France avec FX. C'est un binôme qui a fait plusieurs manches, plusieurs coupes du monde au Tilo et manches au Tilo. Et donc, ils mettent en place, ils organisent des sorties sur Marseille, dans les Calanques, à Cassis. Et avec Eric, on a eu l'occasion d'y aller, c'est vraiment magnifique. Si je suis vauclusien, il faut que j'aille à Marseille. Aïe. Pour m'entraîner et pour partager pour rêver, cette passion. Pour en prendre plein les yeux. Voilà. Et pour s'entraîner, quoi. Alors, pour s'entraîner, oui, effectivement, parce que on vous dira un petit peu plus sur notre résultat en manche de Coupe du Monde. En fait, c'est vrai que nous, ce qui nous a manqué, c'est peut-être l'expérience de natation en mer démontée. Effectivement, parce que nager en lac ou en piscine, on n'a pas cette expérience de nager avec des creux ou avec des courants ou du vent. Donc effectivement, ça nous est important. Donc c'est là qu'on doit travailler, nous. Voilà. Est-ce qu'on a un droit aux palmes de natation? Oui, il y en a qui font des montages avec des palmes qui s'imbriquent dans les baskets. Pour ensuite les enlever, courir en basket et rajouter le bout des palmes pour nager. Parce que comme le disait Eric il y a quelques secondes, dans le sac à dos, on remet bien sûr toute sa combinaison qui a servi à la natation et on va la malheureusement la transporter ou on va la laisser sur place? Non, on la laisse sur soi, on l'ouvre, on a une ouverture devant, derrière et on court avec la combinaison. Carrément, d'accord. Voilà. Alors Didier, le spécialiste de la course à pied qui est en train de... Alors vas-y Didier, pourquoi? Bah, je me tire les cheveux parce que tu sors de l'eau, et ensuite faut attaquer, mais en plus t'as entendu les dénivelés qu'il y a, ça s'apparente à du trail, et c'est du trail. Hein. Donc déjà t'es chargé dans les jambes au niveau de la natation, et puis après c'est de l'eau, c'est l'eau salée, c'est la mer. Ouais. Voilà. courage, hein. C'est l'esprit nature et en avant. Eric, qui c'est qui vient à ce sport? C'est des anciens coureurs, c'est des gens qui étaient au triathlon, qui veulent moins de discipline et qui veulent prendre plus de plaisir. Actuellement, c'est plus, je pense, des triathlètes hein, qui viennent sur les événements. Il y a quand même des trailers et puis des excellents nageurs aussi hein, qui viennent pratiquer. Ou, je sais que jeudi prochain, on va chacun de notre côté se séparer, faire une manche découvrir avec des amis qui sont d'excellents nageurs pour justement faire découvrir un petit peu cette discipline. Manon, quel est ton tendon d'Achille pour toi? La course à pied ou la natation? La discipline qui te... Qui me fait haïr un peu, c'est plus la course à pied, parce que par rapport à Eric, c'est vrai que je suis bien en dessous. J'ai pas le même rythme et j'ai du mal à suivre. Alors nous, notre force, c'est en fait notre complémentarité. C'est-à-dire que devant Manon, on a une corde, on est toujours attaché. Manon me donne un rythme en natation et moi j'essaye de lui donner un rythme à pied. Voilà. Alors, on est en train de bien s'éclaircir, malheureusement il est déjà 58. Ah. On avait un dossier pour Patrice Bush, on le passera la semaine prochaine, on va bien le garder au chaud. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment un sport d'équipe presque. Exactement, c'est... Voilà. Oui, c'est un beau sport d'équipe de partage et de découverte de la nature. Il nous reste encore une grosse minute pour parler de tout ça. Est-ce qu'il y a un point de chute? Est-ce qu'on peut prendre des informations? Parce que ce soir, on nous a écoutés. Oui. Il y a des gens que peut-être ça va leur donner, en cette belle journée qui arrive, des envies de passer à autre chose. Alors, à ce jour, il n'y a pas encore vraiment de site, mais il y a les réseaux sociaux avec Facebook, Swimrun France. D'ailleurs, donc notre coach qui s'appelle François-Xavier Lee, FX dans le domaine, se propose justement va revenir, parce qu'il est sur Birmingham, mais il a des projets qu'il va développer sur Marseille. Et donc, il nous a dit, passez le message, on va pouvoir donner des conseils. Didier, je retourne vers toi, c'est un peu le spécialiste de la Fédération française de triathlon. Là aussi, il va y avoir des points de chute dans ce sport où c'est qu'on va un petit peu s'initier comme le club de triathlon de Rangeon, le club de... Tu vois ce que je veux dire? Oui, Avignon-le-Ponté, mais bon, Eric est bien placé pour ça. Et ça tombe bien puisque nous sommes une radio où le sport prédomine. Allez, et on justement, va justement, on est là pour les booster et puis avoir, disons, les rendez-vous possibles pour que vous voyez les données à l'antenne. Hein. Eric, un dernier mot? Un dernier mot, je dirais que... N'ayez pas peur d'essayer le swimrun. Exactement, c'est vraiment un plaisir. Et je vous promets, les triathlètes qui viennent, je pense, font comme moi un petit peu la parenthèse du triathlon parce que vraiment, c'est... Au niveau coût d'investissement. Beaucoup moins que le triathlon. Il y a le vélo en moins. Voilà, ça veut dire que c'est pas onéreux. Une petite combinaison, on a besoin. Voilà. Des chaussures de trail, des lunettes de natation. Et voilà. Le plus onéreux, c'est comme en tout, c'est l'inscription aux courses. Mais voilà, c'est pour avoir une bonne organisation et un encadrement derrière. Entraînez-vous. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, c'est bien ça. C'est ça. Merci, merci à vous tous d'être venus et puis merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béducie, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région.